بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع ثارهم اكتفهم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هادي هادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأخذنا من نواقض الإسلام الناقد الثامن والتاسع والعاشر. On a pris le 8e, le 9e et le 10e. Yani, on s'est arrêté ici. On a pris la fin. Donc, قال رحمه الله تعالى قال ولا فرق في جميع هذه بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. قال رحمه الله, il n'y a pas de différence dans tous ces nawaqid qu'il a cité entre le fait d'être sérieux ou bien le fait de plaisanter ou bien le fait d'avoir peur, excepté celui qui est dans la contrainte. C'est-à-dire que celui qui le fait par plaisanterie ou celui qui le fait sérieusement, il le dit sérieusement, ou bien il fait une de ces choses-là qui est partie de Nawaqid Islam, sérieusement, ou bien il le fait par peur, pas par contrainte, il dit ça, il n'y a pas de différence. Ça fait de lui un kafir, après que Bartlofé, l'Iqamatul Hajj, bien sûr. Là, il est en train de faire un tanbih qu'il y a des choses qu'on appelle Mawani' al-Kufr. Des choses qui empêchent de pouvoir juger. Ce n'est pas toute personne qui tombe dans la mécréance que ça fait de lui un mécréant. Ou toute personne qui tombe dans la bid'a qu'on va juger directement que c'est un mubtadi'. Ou une personne qui tombe dans le fisq et on va juger directement que c'est un fasiq. Il faut qu'il y ait iqamatul hujja. Il faut qu'on s'assure vraiment que cette personne-là mérite cette étiquette-là et ce jugement-là. C'est pour ça qu'on appelle ces choses-là iqamatul hujja, c'est-à-dire nata'akkad. Même à iqamatul hujja, c'est-à-dire s'assurer que cette personne-là, mérite ce jugement-là. Et mérite cette appellation. Donc, parmi les choses qui, qu'on puisse juger d'une personne qui rentre, qui a fait du kufr, et d'en juger que c'est un kafir, le jahl, l'ignorance. Celui qui ignore une chose, il ne peut pas être réprimandé. Excepté si jamais ces choses-là font partie des choses qui sont ma'lum et la din bid-darura. Des choses qui sont connues, à tel point que aucune des personnes des musulmans l'ignore, comme le fait que la prière elle est obligatoire. Il ne prie pas, et ça fait partie des nawaqid de l'islam. Et il ne prie pas, et ensuite il prétend qu'il n'avait pas la connaissance que la salat elle est obligatoire. Ça, c'est pas une excuse. Excepté, comme l'évoquaient les ulama, une personne qui vit vraiment loin des ulama et vraiment loin d'islam, dans l'Amazonie, comme ils ont évoqué certains, tu vois. Cette personne-là, peut-être qu'elle peut être excusée. Mais alhamdulillah, à notre époque, même celui qui est loin en Alaska, en Amazonie, c'est comme si il était à Mecca ou il était à Fi Balad al-Muslim. Min haythu ya le ilm illa intashara, il s'est répandu. Et là, si on est avec les réseaux sociaux, la science, elle est vraiment assez propagée. Une personne, à notre époque, il n'a vraiment pas d'excuse d'ignorer sa religion. Il n'a vraiment plus d'excuse, parce que là, tous les intermédiaires lui sont facilités. Que ce soit la radio, certains, des russas, ils utilisent Kazalika, la télévision, les voyages, ceux qui vont au Hajj, ses amis, les réseaux sociaux. Il y a vraiment beaucoup d'intermédiaires qui ne permettent plus de dire que la personne a peut être excusée par rapport à son ignorance. Excepté dans des cas vraiment exceptionnels, comme on a pu évoquer, celui qui est Aish Baina al-Kuffar, très loin dans la forêt, l'Amazonie et l'Akhiri, dans une grotte. C'est mon kid. Fal'il, la Bouddhamin. Tam la Bouddha n'akuna aliman. La Bouddha n'akuna aliman bihadil ashia. S'il est alim, al-an, il n'a plus de prétexte, il n'a plus d'excuse. S'il est jahil, ça peut être un manière, ça peut être une chose qui nous empêche de pouvoir juger de l'ignorance, de la cause du kufr ou bien du jugement, qui mérite cette personne-là. Tam. Kazalika al-khata. Une personne peut tomber dans le kufr, lakin il a fait khata'an, la qasdan. Il n'a pas intentionné, il a fait khata'an. Comme celui qui a dit Masha'Allah wa shi'ta. Al-an, oui, ijtama'a fihi deux choses. Al-jahl, l'ignorance, parce qu'il ne savait pas que lorsque tu dis Masha'Allah wa shi'ta, que ça faisait une association. Et thaniyan, khata'an, la shakwara a fait, c'est une khata qu'il a fait. Il n'a pas intentionné d'associer Allah Azza wa Jal, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Fal-khata, ça c'est un mani'a min nawani' al-inzal al-kufr, comme a dit subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuakhidna inasina ou akhta'na. Si on a oublié ou bien on s'est trompé. Et ça rentre dedans, C'est la même chose que, c'est un peu comme se tromper, oublier, ça rentre un peu dans le fait de se tromper, Il n'a pas intentionné. Laysa biqasid. Les sabiqasid. Et ça rentre dedans le fait d'être, d'avoir oublié, ou bien le fait d'avoir, de s'être trompé. Wakadalika, et vous n'aurez pas de péché par rapport aux, aux choses dans lesquelles vous vous êtes trompé, laquelle vous serez repris par rapport à vos intentions, à vos intentions qui sont fermes. Donc là, ça montre que la personne qui est qasid, comme ceux qui ont dit ma ra'ayna arghaba butunan wa ajbana 'inda al-liqa, lorsqu'ils ont insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit que c'était des peureux, des lâches dans le combat. Fahawala, ils ont qasadu zalika. Ils ont intentionné cette parole-là. Même si jamais ils l'ont dit comme ils disent, comme ils l'ont prétexté, bil hazl, en s'amusant, le fait qu'il a intentionné cette parole-là, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas de lisan. L'absus, il dit ça, ouais. Ils l'ont dit en toute connaissance, en toute tranquillité, même s'ils l'ont dit pour s'amuser. Le fait de dire une chose en s'amusant, c'est pas une excuse. Fahawana, ils étaient qasidin. Kanu qasidin. Ils avaient intentionné. Ma kanu khata'in, ils n'ont pas fait une erreur. Wa ma kanu nasin, ils n'ont pas oublié. Ils ont dit une chose bin niya. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Ils l'ont dit volontairement cette chose-là. Fa'idan, Allah Azza wa Jalla, il dit lorsqu'on dit une chose qui est volontaire, on fait une chose, il y en a volontairement. Fahawana, on est repris. À partir du moment qu'il n'y a pas le djihad. Naam. Kazalika, at-ta'wil. La personne, elle interprète une chose. Et ça peut rentrer un peu dans le khata. Il interprète une chose. Il fait une interprétation qui est fausse. Son qasd, c'est pas de tomber dans la mécréance. Lakin, il dit une parole qui va donner naissance à la mécréance. Yata'awwal shay'an. Fahada, on peut pas dire que c'est un kafir. Pourquoi? Parce que ma qasada. Il n'a pas fait cela volontairement. Il a interprété. Kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qad istahada al-hakim fa akhta'a falahu ajr. Lorsqu'il fait un effort d'interprétation et qu'il se le trompe, il a une récompense. Donc s'il a une récompense, il ne peut pas avoir un châtiment. Et Mimbab Aula, il ne peut pas être jugé du fait que ce soit un kafir ou ceci ou cela. Ou Moubtadir ou ceci ou cela. Si jamais il interprète une chose, il est sincère dans son interprétation. Il cherche la vérité. Lakin s'est trompé. Fahada kadalika, ça rentre un peu dans le khata. Lakin les ulama, ils ont évoqué un à part. At-ta'wil, l'interprétation, la fausse interprétation. L'erreur dans l'interprétation. Wakadalika al-ikara, la quatrième al-ikara, le fait d'être contraint. Le fait d'être contraint, ça, kadalika, Allah subhanahu wa ta'ala ne reprend pas ce genre de personnes-là. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, man kafra billahi ba'da imanihi illa man ukiriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne juge pas de la mécréance d'une personne qui l'a dit bil lisan, lakin, qui ne l'a pas dit par le cœur, lorsqu'il est contraint. Lorsqu'il est contraint. S'il est contraint à dire une mécréance ou bien à faire une mécréance, Fahahuna, la parole qu'il a dit ou bien l'acte qu'il a fait, il n'est pas pris en considération. Pourquoi? Parce que tout repose bin niyat. Tout repose sur la niya. Innamal a'mal bin niya. Wahad, il n'avait pas la niya de faire cela. On l'a contraint. On l'a contraint à faire ces choses-là. Fahad, à kazalika, on ne peut pas juger de la mécréance d'une personne qui a fait ou bien qui a dit un acte, comment ça s'appelle, une chose qui fait sortir de l'islam, si jamais il n'a pas intentionné, si jamais il était contraint. Et il y a une différence entre la contrainte et la peur. La contrainte, c'est lorsque tu as une menace, qui fait que si jamais tu ne la fais pas, on va soit te tuer, ou bien soit te torturer. Une chose, il y a une chose que là, tu tahammaluhu. Amma al-khouf, il y a le fait d'avoir peur, il y a une menace, il y a vraiment qui est secondaire. Lakin, derrière cela, il n'y a pas de torture. Derrière cela, il n'y a pas de menace de mort, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Mais c'est là, si jamais on lui dit de prononcer la mécréance, ou sinon on va le gifler, ou sinon on va l'exclure de son travail, ou bien on va lui prendre la moitié de son argent, tu vois. Ben ça, ce genre de choses-là, ça fait pas rentrer dans l'ikra, parce que il n'y a pas une menace de mort, il n'y a pas aussi une torture, une chose, yannila yatahammaluhu, parce qu'en fait, là, il rentre dans le cadre de la darura. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il ne prend pas en considération la parole ou bien l'acte de mécréance lorsqu'il est contraint, parce qu'il est dans un cadre d'arora, de nécessité. Et la nécessité dans l'islam, il faut savoir que c'est celle qui donne, et c'est celle qui va, si jamais il ne la fait pas, soit il va mourir, ou soit il va avoir une mashaqqa la yatahammalha, comme ils disent. Il va subir un tort ou bien un mal qu'il ne pourra pas patienter dessus. Il ne va pas mourir, lakin, ça va être tellement dur sur lui qu'il ne pourra pas patienter. C'est une chose sur laquelle il ne pourra pas patienter. Amma, si jamais on te sort de ton travail, ou bien si jamais on te met une gifle, ou bien sinon, je ne sais pas, ce genre de trucs-là dans lesquels où tu peux patienter, tu vois, où tu peux patienter, ça ne rentre pas dans. Tu ne rentres pas dans l'ikra dans ce genre de choses-là. Tu ne rentres pas dans l'ikra dans ce genre de choses-là. Al-ikra, ma'ruf, il a des chouroutes. Il a des chouroutes. Yani, fil akhir, il a voulu faire un tanbih qui est muhim jiddan. Qui est quoi? Que ce n'est pas toute personne qui tombe dans la mécréance qui est forcément un mécréant. Ce n'est pas toute personne qui tombe dans un de ces nawaqid qu'il a cité qui est forcément sorti de l'islam. Parce qu'il y a des choses qui font que ça, on ne peut pas juger de la mécréance de ces personnes-là. Et parmi cela, le fait qu'il soit mokra, contraint, qu'il a fait un khata, qu'il a mal interprété ou bien qu'il est ignorant. Ça s'appelle mawani' al-kufr. Wa mawani' kazalika inzal al-hukm. Les choses qui empêchent de descendre en jugement. Ils sont au nombre de quatre. Al-jahl, l'ignorance. Al-khata, l'erreur, et ça rentre dedans aussi kadalika, un nisyan. Le troisième, at-ta'wil, la mauvaise interprétation. Avec une niya qui est sahiha, yani. Il cherche la vérité, la qui ne l'a mal interprétée. Et le quatrième, c'est al-ikara, le fait d'être contraint, comme on a pu voir, la contrainte, elle est dite lorsque, si jamais tu ne le fais pas, soit tu vas mourir, ou soit, yani, on va te faire subir yani, une torture, ou bien un mal que tu ne pourras pas supporter. نعم فهذا سموانع على إنزال الحكم هذا سمهم جدا قال وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا شوف en vérité ça fait longtemps que on n'a pas révisé lorsqu'on disait مثلا que Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala lorsqu'il a évoqué les 10 من النواقض les 10 annulatifs il n'a pas voulu dire qu'il n'y en a que 10 qui sont que au nombre de 10 et certains ont dit c'est eux il y en a dans les ulama sont tous unanimes. Et d'autres, on comprend par cette parole-là qu'il y a d'autres nawaqid dans lesquels il y a un khilaf. C'est comme ce mais c'était dit, ça c'est les nawaqid et son nombre de 10, ceux dont les ulama sont tous unanimes. Et il y en a d'autres, il y a un khilaf. On avait dit, as-sahih c'est quoi? Il a voulu évoquer les 10 annulatifs qui sont beaucoup plus propagés et dont les gens tombent beaucoup dedans. Tam yata'una fihi kathiran. Qala hauna qala wa kulluha min a'zam ma yakunu khataran. Et tous ces nawaqid qu'il a cités, yani, ils font partie des nawaqid les plus khatir, les plus dangereuses. قال وأكثر ما يكون وقوعا. Et c'est celle dont les gens tombent le plus dedans. قال فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. Si jamais الآن, il connaît qu'est-ce que l'islam, il connaît qu'est-ce que جزاء الإسلام لمن مات عليه أنه يدخل الجنة. Et tout ce qu'il y a dans le Jannah parmi les bienfaits, et le fait de pouvoir regarder Allah subhanahu wa ta'ala et de vivre éternellement dans la paix. Fait ici, il connaît ce fort-là, ce mérite-là, cette faveur qui est rentrée au Jannah. Il a peur, et il appréhende de tomber dans une de ces des nawaqid. Donc ça veut dire qu'il doit apprendre. Et le fait d'apprendre, c'est une chose, c'est un sebab. Wa sebab kadhalika yas'al Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq. Il demande à Allah Azzawajal de ne pas tomber dedans. Il apprend et il fait le dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'épargne. Parce que apprendre, c'est un sebab. Ce n'est pas le sebab absolu qui fait que si jamais tu apprends, tu ne tombes pas dedans. Après, il y a la réussite. Tu connais une chose, lakin Allah, après, il faut qu'il te donne la réussite. Alhamdulillah, tu as la clé. Inch'Allah, pour ne pas tomber dedans. Lakin, ensuite, c'est Allah Azzawajal qui saddid al-khata, qui guide tes pas, pour ne pas tomber dedans. Parce qu'après, il y a toujours shahwat. Il peut connaître une chose, lakin l'amour pour dunya ou bien la passion peut le faire dévier. Et ça lui demande qu'il y ait une taqwa. Et cette taqwa-là, il faut qu'il demande à Allah Azzawajal, yarzuqaha, qu'il lui donne le tawfiq. Naham. Connaître une chose, c'est un bon sebab. Et il faut aussi, kadhalika, demander à Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq. Fa, ijtinab al-ma'asi bil-ilm wa bil-du'a. Fidhalika kana Ibrahim alayhi salam. Yaqul, wa huwa imam al-muhidin. L'imam des mouahid. Et bien, les anbiya, la yaqahuna fil kaba'ir. Ils ne tombent pas dans le kaba'ir. C'est impossible. Ils peuvent faire as-sagha'ir, al-sabil al-khata wa nisyan. Ils font une erreur, un péché, lakin al-sabil al-khata wa nisyan. Les anbiya, ils ne font pas des péchés comme nous on le fait. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un péché, on rentre dedans. Et on fait ce péché-là. Amma l'anbiya, bil ijma', elle a évoqué Ibn Hazm. Que les anbiya, lorsqu'ils commettent un péché, ils le commettent, yani, bartlofik, yani, par erreur. Par oubli. Amma qui le fait, yani, volontairement, il dit, hada la, laysa bimumkin. Et celui qui pense cela, que les anbiya, ils font des péchés comme on le fait, c'est-à-dire volontairement, c'est une ridda. Et ça, il a évoqué bilijma'. Les anbiya, ils sont tous ma'soum de tomber dans les, comment s'appelle, les kaba'ir. Et malgré cela, ماذا قال إبراهيم عليه السلام قال وجنبني وبني نعبد الأصنام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن أعبد الأصنام. Il a fait dua. Alors qu'il était à la ilmin bitouhid wa la ilmin bishirk. Il connaissait parfaitement le tawhid, il connaissait parfaitement kadalika al-shirk. Et malgré cela, il a demandé à Allah Azza wa Jalla qu'il épargne. وجنبني وبني أن أعبد الأصنام. Il a demandé à Allah Azza wa Jalla qu'il épargne lui ainsi que sa descendance de tomber dans le shirk et dans l'adoration des asnam, yani des statues. Donc ça nous montre que connaître une chose c'est bien, mais il faut demander à Allah Subhanahu wa Taala de tawfiq. وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فسنواقد الإسلام. Le fait de connaître, c'est un sebab, inshallah, qui va nous permettre de s'en écarter. Et kazalika la budda min, c'est de faire des doha. C'est de faire des doha afin de ne pas tomber dedans. Naam. Donc, y'en est connaître le bien, c'est important. Et connaître son opposé, le mal, c'est aussi important. C'est aussi important. Naam. Si c'est pas plus. Kama qala Hudhayfa. Ma khafatan an yudrikani. Il avait dit, kana an-nas yas'aluna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam anil khair, wa kuntu as'aluhu an-shar ma khafatan an yudrikani. Je demandais au prophète sallallahu alayhi wa sallam les choses yani, qui sont mal dans l'islam, afin de les connaître pour pas que je tombe dedans, ou pour pas que ces choses-là me rattrapent. Parce que tu peux tomber dedans, mais quand tu as des choses qui te suivent, tu as des passés qui te suivent, pour pas retomber dedans. Yani, il faut bien connaître ces choses-là et surtout demander à Allah Azza wa Jal qui te donne le tawfiq. Naam. Qala fayanbahi al-muslim an yahzura wa yakhafa minha ala nafsihi wa na'udhu billahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Et regarde, à la fin, il vient avec la dua. Pour te montrer que yani la buddhamin, il demande à Allah Azza wa Jalla le refuge. Yani des choses qui vont faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va être en colère contre nous. Wa min zalika, c'est quoi? C'est al-mahsiya. Al-ma'asi min mujibat ghadabillahi Azza wa Jalla. Al-ma'asi, c'est les choses qui font qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera en colère contre nous. Donc il a demandé à Allah Azza wa Jalla qu'il l'épargne de tomber dans les choses qui vont faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va être en colère contre lui. Et qui va le châtier. Donc il faut faire des duas, c'est important. Ad-duha, hada la budda min. Hada la budda min, naam. Hada, yani, c'est une khulasa des nawaqid de l'islam. Yani, hadi hi al-nawaqid. Et yana kathiratun jiddan. Et tura fi kitab al-tuhid, wa ghayruh. Naam. On se contente? Khalas la bas. Alhamdulillah. Astaghfirullah.